C'est supposé d'être nos meilleurs qu'on met là, là. Ouais. Faut que tu te contrôles. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Même si les gens autour de toi sont agressifs, même s'ils ont pas toute leur tête, même s'ils se comportent en babouins pis en animaux, t'as pas le choix d'être plus brillant qu'eux autres.